Phonétique. Activité 12A. 1. Mon. Ment. 2. Ban. Bon. 3. Don. Dans. 4. Fond. Fond. 5. Lent. Long. 6. Pont. Pan. 7. Quand. Quand. 8. Rond. Rang. 9. Son. Son. 10. Temps. Ton. 11. Vent. Vent. 12. Les ondes. Les ondes.